Comme tous les jours, je dois écrire le sketch d'ouverture, la conf de rédac. Et comme tous les jours, Charline me rappelle. Alex, t'oublies pas qu'on enregistre à 11h15. Comme tous les jours, je lui réponds. Bah comme tous les jours. Je sais, mais il est 11h02, t'as toujours pas commencé à rédiger. Elle sait très bien que j'ai pas commencé à rédiger parce que tous les jours, je lui demande une idée de départ avant de rédiger. T'as pas une idée de départ avant que je me lance? Comme sur tous les sujets, Charline a une idée. Mais elle fait toujours semblant de ne pas en avoir une. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, soit Ken Kojandi. C'est une méthode pour donner l'impression à son interlocuteur que c'est lui qui a eu l'idée. Ken Kojandi, c'est le créateur de Bref. Ah, mais je pourrais peut-être faire la conf de rédac comme si c'était un épisode de Bref. Excellente idée, Alex. Enfin, c'est incroyable comment tous les jours t'as des nouvelles idées. Je sais que c'est elle qui a trouvé l'idée. Elle sait que je sais que c'est elle qui a trouvé l'idée. Et je sais qu'elle sait que j'aime bien croire que c'est moi qui ai trouvé l'idée. Alex, t'oublie pas qu'on enregistre à 11h15. Il est 11h04. Je devrais commencer à écrire en assimilant les envies de tous les gens du bureau. Et non, ne fais pas passer pour une emmerdeuse colérique. Mais moi, j'en ai marre de jouer la truffe. Hey Alex, hier, j'ai eu 3 répliques de moins que Charline. Tu peux équilibrer là? Lui, c'est Guillaume, le plus gros égo du bureau. Mais je veux pas que ça s'entende à l'antenne. Hein. Tu me donnes le rôle du gars sympa. Alors je lui dis. Ouais, bien sûr, Guillaume. Et il m'a répondu. Monsieur Meurice. Guillaume est de gauche pour les gens, mais dans le bureau. Ah mais elle est où ma connasse d'assistante? Ah, je vais la virer, moi. Faut que je le fasse vite parce qu'elle est encore en période d'essai. Dans le bureau, Guillaume est de droite. Oh, les Africaines, elles ont pas le sens du travail. Dans le bureau, Guillaume est d'extrême droite. Alex, t'oublie pas qu'on enregistre à 11h15. Hein. 11h08, j'écris la conf de rédac. 11h14, je l'imprime. 11h15, je la distribue aux autres. Ah, c'est parfait, là, le rôle du gaucho. J'adore composer les personnages. Oh non, je passe encore pour une conne. Mais merde, tu es quand même pas colérique. Bref, j'ai écrit une conf de rédac. Bonjour la France Inter, bref bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui appelle à l'union de toutes les actualités et voici les 3 informations qui sont candidates à la primaire organisée jusqu'à 18h. Les syndicats étudiants ont obtenu un plan à 500 millions pour l'aide à la jeunesse. Il faut dire que la méthode de l'UNEF face à Manuel Valls a été relativement efficace. Où il est ton putain de pognon, connard? Periscope, c'est peut-être le média qui va bouffer tous les autres. Periscope permet de diffuser des vidéos en direct sur les réseaux sociaux. C'est très simple d'utilisation, quand on a un minimum de notions quand même. Ouais, la caméra. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Comme ça, je vais. Je suis trompé avec mon trou du cul par hasard! Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! La Sainte Tunique a été exposée à la basilique d'Argenteuil. Les fringues tachées du Christ ont pété les scores. 200 000 visiteurs éblouis par la beauté du truc. Mais que c'est joli! Oh! Mais regardez-moi cette dentelle, la finesse du poing! Et moi, je suis accompagnée de celui qui met toute sa finesse dans son humour, c'est Alex Mazurek. C'est vous dire si ça en fait. Bonjour Charline Mazurek, bonjour à tous autour de la table à 17h20. Quand elle ne chronique pas sur ses antennes, elle est DJ. Donc quand elle ne diffuse pas des chanteurs inconnus, elle oblige les gens à danser dessus. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Merci beaucoup Alex. Aujourd'hui, ce sera du rock français. Ouais. Bonjour, ça je vais aimer, je le sens. 17h30, quand il ne chronique pas sur cette antenne, il débat de manière bénévole avec ses contemporains. Autant vous dire qu'on passe de longues journées avec Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je suis allé à la rencontre des soutiens français au gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Alors sont-ils d'extrême droite, sont-ils racistes? Racistes? Non, xénophobes. Ah bon, ça va alors, on est rassurés. Sa place. Et à 17h40, quand il ne chronique pas sur cette antenne, il ne fait pas de sport non plus. Et c'est pour cela qu'on l'a choisi comme chroniqueur sportif. Bonjour Samir Bouadi. Et Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Je vais vous parler moi du génie tactique technique psychologico du très très grand Laurent Blanc. Bah oui, il y a match ce soir. Ah oui. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous je ne sais plus qui, mais ça doit pas être loin, Giscard. Oh, hein. Giscard. Vous entrez au cours Simon en 2004 quand la France découvre Dr House. Vous lancez la mini-série Bref sur Canal en 2011 quand naît Julia Sarkozy. Vous lancez la série Bloqué en 2015 quand Alain Juppé lance sa campagne pour la primaire, celle de 72. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Ken Kojandi. Ouais, ça c'est bien. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Ken Kojandi qui est à l'heure sur France Inter, mesdames et messieurs. Oui, ça fait plaisir. C'est-à-dire, il y a un précédent. Mais oui, il faut l'expliquer, Ken, on vous a engueulé beaucoup là. J'ai eu quelques tweets passés. J'ai Augustin Trapner m'a gentiment invité à son émission un matin et je suis parti donc une heure vingt avant l'émission, ouais. Et en plein, je te jure que je suis le premier, je me suis auto-déçu ce jour-là. J'aurais dû partir beaucoup plus tôt, et en fait, les Champs-Élysées ont été bloquées par des rois et des reines. William Alexander. Voilà. Et ça a bloqué Paris en deux, et vraiment, j'étais à ma décharge, j'étais pas le seul en retard, mais j'étais tellement triste. J'ai couru, j'ai sauté du taxi, j'ai couru. J'ai traversé tout. Je suis allé à la Concorde à pied. J'ai appelé, j'étais au téléphone. Je fais, j'arrive, je suis vraiment désolé, j'arrive. J'étais vraiment, vraiment navré. Augustin, encore une fois, extrêmement navré. Et puis là, il a été très, très sympa avec moi. On a fait l'émission au téléphone. On va passer à la nôtre d'émission. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, vous êtes là. Mais non, je voulais vous dire que vous étiez un bon invité. Je viens avant. Alors, Ken Kojandi, on peut vous voir à l'Européen jusqu'au 28 mai. Ça a été prolongé. Ouais. Donc, c'est que ça marche. Pulsion, ça s'appelle. Oui. Votre spectacle, eh bien, Guillaume Meurice est allé vous voir. Oui, formidable, effectivement, ça marche. Salle blindée, debout à la fin. C'est du Ken Kojandi, c'est hyper efficace, c'est hyper drôle. On a dû poser une question. Justement, elle arrive. Merci, c'est du pur stand-up, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut expliquer aux... Nous, on est dans le milieu de l'humour, donc on connaît un petit peu. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce qu'est le stand-up? Le stand-up, c'est dans la tradition aussi française. On a mis un mot anglais depuis 10 ans, mais c'est quelqu'un qui monte sur scène et qui parle tout simplement avec... c'est une sorte de... On vient expliquer. Enfin, c'est vraiment des blagues comme Coluche, comme le faisait Bedos, comme le faisait Raymond DeVos. C'est du stand-up déjà. C'est des gens avec un micro qui parlent aux gens. Coluche, qui parle d'eux aussi. C'est ça, ouais, qui est le truc biographique. Avant tout, qui parle d'eux aussi. Coluche, il faisait des personnages aussi. Là, c'est vrai que c'est il avait un clown en fait. Ouais. J'ai trouvé son clown. Il s'avère que quand je parle, je le fais avec ma personnalité. Du coup, Coluche lui passait par un clown qu'il avait bien élaboré, comme Chaplin. Ouais. Est-ce que vous servez, vous, de votre formation de comédien? Parce que je sais, on se connaît un petit peu. C'est bizarre, vous voyez, vous avez tous lu dans une loge. C'est très bizarre. Tiens, t'as pas un pantalon? Si, tiens, pour ça, Guillaume. C'est cette connivence. Je vais faire l'interview. Allez-y, Guillaume. Vous avez donc une vraie formation de comédien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de la sous-exploiter sur scène? Parce que le stand-up, c'est justement donc ce fameux rapport direct au public. Et il n'y a pas tellement de composition de personnages. Le stand-up permet justement de faire plein de micro-personnages. Et c'est ça qui est très important. J'étais là, il y avait une salle. Enfin, c'est de faire un personnage même limite sur 5 secondes. Donc c'est justement le métier de comédien est encore plus exploité parce qu'on doit être hyper efficace sur 5 secondes. Mmh. Et il y a à peu près dans mon spectacle, je dois faire à peu près une cinquantaine de petits personnages, d'anecdotes qui me sont arrivées. Mini-situations. Oui, des mini-situations qu'on doit établir. Donc c'est un vrai travail de comédien. Je sais, Ken, que vous attendiez avec impatience de remonter sur scène après le gros succès de Bref, mais vous avez repoussé très longtemps. Vous vouliez être au top, vous vouliez pas décevoir, vous saviez que vous étiez attendu. J'ai pas repoussé, j'ai essayer de justement laisser naître les idées. Beaucoup rodé, je travaille énormément en amont pour que ce soit bien. Vous savez comme moi que quand on lance un spectacle, les premières, elles ont besoin de s'assembler, il y a besoin de prendre le temps et j'avais besoin d'être en accord avec ce que je dis. En tant qu'humoriste, j'ai envie j'avais pas envie de faire des blagues pour faire des blagues, j'avais envie déjà d'abord de vivre et ensuite de transmettre des choses. Et c'était vraiment le message de ce spectacle. D'où l'intérêt du statut d'intermittent du spectacle. Peut-être une question sur les thèmes abordés par Ken Kojandi dans son spectacle, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent pas son style. Ken Kojandi, c'est quoi et c'est quel thème? Oui, justement, les pulsions. Ça donne envie d'en savoir plus sur les thèmes abordés. Quand je faisais ma série Bref, je parlais déjà de choses très intimes, comme des petites hontes que j'avais au quotidien, et j'étais très touché de voir que beaucoup de gens me disaient je m'identifie beaucoup à ce personnage. Or c'était pas le but, et quand j'ai terminé ma série, je me suis senti vachement en paix en fait. J'arrivais vraiment à m'accepter qui j'étais, même dans mes moments de solitude, dans mes moments un peu de loose. Et je suis allé plus loin dans mon spectacle. Je suis allé aborder un sujet qui sont les pulsions, c'est-à-dire encore plus loin dans l'intimité, un truc vraiment tabou dont on n'apprend pas forcément à vivre avec dans cette société. On n'apprend pas. On dit ouais, c'est normal, mais bon, tu mets ça sous le tapis. Mélanie, elle vit très bien. Et je trouve qu'il y a une sorte de tabou. Donc ça fait un bon terreau pour la comédie. Donc pendant 1h30 après, je parle de nos pulsions. Pas gentil. Moi, vous avez dit une chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans une interview. Vous avez dit, le RSA, c'est exceptionnel. Est-ce que vous pouvez développer? Non, je disais que je suis allé... Quand on fait ce métier de comédien pendant des années, c'est compliqué. Et à un moment donné, j'ai dû m'inscrire au RSA parce que je n'avais plus de revenus. Et je disais que j'avais lu, c'était par rapport, on me disait que c'était un truc d'assister ou quoi que ce soit. Et je trouve que, au contraire... c'est une chance qu'on a dans ce pays d'avoir des revenus minimums. C'est hyper important. Pour moi, ça m'a permis vraiment de garder une vraie dignité. Et quand j'ai poussé la porte du RSA, c'était pas un moment cool, de l'argent. C'était vraiment compliqué. C'est bien de le rappeler. C'est pas simple en fait. Oui. C'est pas simple. Pour et ça, ça permet. Soi, c'est et c'est une chance incroyable. Et on devrait être fier de cette France qui permet justement de pouvoir rebondir derrière. Je suis fier de ça parce que c'est quelque chose qui après m'a permis de rebondir et faire Bref et pouvoir même faire travailler des gens derrière, et sans cette casse, ça aurait été compliqué. On va avoir l'occasion d'en reparler puisqu'on va aborder le sujet du plan pour les jeunes à 500 millions d'euros qu'a débloqué le gouvernement. On va parler d'actualité aussi, et puis éventuellement revenir aussi à votre spectacle. Il y a des liens, des passerelles avec Pulsion, c'est à l'Européen, jusqu'au 28 mai. C'est Ken Kojandi, notre invité. Jackson 5, ABC, vous êtes sur France Inter et notre invité c'est Ken Kojandi, que vous pouvez voir à l'Européen jusqu'au 28 mai pour son nouveau stand-up qui s'appelle Pulsion. Mm-hmm. Ken Kojandi, est-ce qu'on pourra vous voir après dans toute la France ? Avec grand plaisir, dès octobre. On est en train de monter la tournée, donc toutes les dates arrivent sur mon site, sur mon Facebook et tout. Donc pas que Paris, mais si vous êtes de passage, c'est jusqu'au 28 mai. Et autour de cette table... Ken Kojandi qui est né sous Mitterrand, comme ça on a l'info. Voilà. Il est plus jeune qu'on a pensé. Je vous ai vieilli. Autour de cette par ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice et Samir Boidy. C'est la sagesse. Je sais pas, il a une forme de sagesse Ken Kojandi, j'ai pensé. Il a une tête de vieux, c'est ça que vous voulez dire. Non, excusez-moi, je suis née sous Giscard, merci bien. Hein, bon, allez, les informations, c'est maintenant. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Une photo de Salah Abdeslam a été publiée dans un journal belge. Oui, on est certain que c'est lui sur la photo puisque la photo a facilement fuité. Johnny Hallyday a répondu à une interview pour un devoir de sa fille de 11 ans. Et il a bien répondu à toutes les questions. Chapeau Johnny. Il y aura des brèves. Ah que oui. Et on commence avec Jean-François Copé sur LCI. Écoutez. C'est tellement pathétique de voir cela, tellement déconnecté de la réalité. Mais oui, mais je comprends, les Panama Papers, moi ça m'a choqué aussi. C'est tellement pathétique de voir cela, tellement déconnecté de la réalité. Oh, la première à droite, c'est beau, cette remise en question. Non, mais non. De quoi il parle ? Bah, du mouvement Nuit Debout. C'est tellement pathétique de voir cela, tellement déconnecté de la réalité. Le grand Copé est de retour et ça fait plaisir. Passons à gauche, François Hollande sera sur France 2 jeudi face aux Français. Mais une syndicaliste de Force Ouvrière qui devait y figurer a été déprogrammée en dernière minute. Mais c'est normal. Non. C'est de la compréhension. Ces gens n'aiment pas travailler le soir, hein, le syndicaliste. Il a préféré qu'il reste chez elle, ça c'est bien. Passons à Philippe de Villiers. Oui, et son fameux anneau de Jeanne d'Arc, on ne sait même pas si c'est le vrai. Ouais. Selon RTL, le fondateur du Puy du Fou aurait été sommé de rendre la précieuse relique aux Anglais. S'il ne tempère pas d'ici 15 jours, il pourrait être inculpé de détournement de biens nationaux et il encourt jusqu'à 6 ans de prison. Comme quoi, Jeanne d'Arc, 600 ans après, peut encore faire quelque chose de bien pour la France. Et ça, c'est bon. International. Oui, on passe à deux doigts d'une guerre. Matteo Renzi a déclaré « Il nostro vino è meglio che quello francese ». Ouais, alors vous me traduisez ça. Unser Weinen sind viel besser als die Französischen. Mais qu'est-ce que ça veut faire? Je traduis, parce que vous n'avez pas dit en quelle langue. Enfin, en français, ça veut dire « nos vins italiens sont meilleur que les vins français ». Mais il est fou, si les Français entendent ça. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, je vais le dire dans une langue étrangère, les Français entendent pas seul. Passons aux États-Unis. Oui. Deux enfants de Donald Trump ne pourront pas voter car ils ne sont pas inscrits. Ah, bah s'il éduque les Américains avec autant de brio que ses enfants, on est sauvés. International toujours. En attendant un véritable entretien face à face, Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas conversent en s'échangeant des tweets sur Twitter. Voilà, et c'est ce qu'on appelle enterrer le hashtag de guerre. Mais jeu de mots, j'ai droit à un par jour et c'est celui-là. Média, un quotidien argentin enquête sur les Panama Papers et se découvre lui-même dans les documents. Et c'est pour ça que Patrick Balkany ne fait pas trop de recherches sur ces sujets, comme ça évite de se tomber dessus. Terrorisme, d'après un journal belge qui a publié une photo de Salah Abdeslam, eh bien, il serait un prisonnier modèle. C'est, il a toujours été, c'est un gars sympa. Le type pour monter à Paris proposait du covoiturage, c'est quand même un type bien. Une brève pour terminer. Allez-y, c'est pour vous. Les autorités du sport sport en Arabie Saoudite ont décidé de sévir contre les coupes de cheveux fantaisistes des joueurs sur les terrains de football, des coiffures considérées comme anti-islamiques. Mais si Paul Pogba est transféré en Arabie Saoudite, c'est la cata. Vous pensez pas si bien dire. Ah. Un joueur a dû se prêter au début d'un match de football à une séance de coiffure pour se débarrasser de sa crête. Ah oui, je vois ici, j'ai dans le Coran, verset 42, 3e sourate. Si tu fais un foot avec des potes et que t'as une coiffure de gogol, il faut faire la coupe avant le coup d'envoi. Oui, c'est bon. On termine avec Johnny ? Oui, et il a répondu à un devoir de sa fille. Et c'est Laetitia qui filme, c'est mignon, c'est à la maison. Quelles étaient tes idoles de tes débuts ? Il y avait Elvis Presley, il y avait Georges Brassens, bizarrement, qui n'était pas du tout rock'n'roll. À quel âge as-tu commencé ta carrière ? J'avais 7 ans. À l'époque, je chantais David Croquette. David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Je pense que Trapnard n'arrive pas à la voir, la gamine de 11 ans, elle l'a comme invitée. Bim ! Vous êtes sur France Inter, si tu écoutes J'annule tout, en compagnie de Ken Kojandi. Et on va aborder le premier sujet avec vous. Le gouvernement et les syndicats étudiants sont tombés d'accord sur un plan de 500 millions d'euros d'aide à la jeunesse. Et pour mettre la jeunesse en confiance, eh bien, le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen s'est dit favorable à la dépénalisation du cannabis, ce qui lui a valu en rentrant une petite discussion avec sa femme. Alors, en ce qui me concerne, quand on parle de pétard ou de joint, je sais quand même un tout petit peu de quoi je parle. Quoi ? T'as déjà fumé du hashish ? Bah, évidemment. Une fois, un week-end, quand j'étais jeune avec Jean-Jacques. Bah bravo, bah, c'est bien, super, bah, on en apprend tous les jours. Et c'était quel week-end, on peut savoir ? Non, c'était pas la question, je disais ça pour donner un exemple concret. Et dis donc, c'était pas le week-end où on était parti chez mes parents, là, tu sais ? Eh ? Ou quelqu'un qui s'était photographié les... avec l'appareil photo de ma mère. Ce quelqu'un, c'était Jean-Jacques. Voilà. Hein ? Et si on avait fait cette plaisanterie lamentable, c'est justement parce qu'on avait consommé de la drogue et qu'on était un tout petit peu... Voilà. Donc tu sais que... Je sais de quoi je parle. Oh ! Vous êtes photographié la verge parce que vous étiez drogué. Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec dans Fais pas ci, fais pas ça. Donc ce plan pour la jeunesse qui a finalement obtenu en partie gain de cause, donc. Vous, Ken Kojandi, est-ce que vous vous sentez proche de ces jeunes contestataires en ce moment, ceux qui sont ou sur la place de la République pour les Nuits debout, ou les syndicats étudiants, ces étudiants qui veulent absolument le retrait de la loi travail, tous ces jeunes en lutte contre la précarité, etc. Ouais. C'est quelque chose qui vous parle, j'imagine. Bah, oui, je pense. Je suis très, très touché par ce mouvement La Nuit debout parce que. J'ai vu des images de CRS qui détruisaient, je crois, les fabrications, tout ça. C'est la place de la République. Mm-hmm. Ça peut pas mieux illustrer ça. Enfin, ce mouvement-là peut pas mieux illustrer que la place de la République. Et je trouve ça vraiment important quand on se sent menacé de précarité de réagir. Et comme ils le font, donc forcément, oui, je soutiens parce que j'ai eu ces choix à faire dans ma propre vie, de me dire mince, de me retrouver dans des situations précaires et de devoir me battre pour m'en sortir. Donc oui, bien sûr. Vous avez connu les petits boulots et la vie à Paris avec 900 euros et à Paris avec un loyer. Mais j'avais cette chance, c'est que j'aimais ce que je faisais. En fait, j'ai fait beaucoup de jobs depuis que j'ai 16 ans, je travaille et beaucoup de jobs pour comprendre ce que je voulais pas faire dans la vie. Donc j'ai même fait des études de droit, j'ai vendu des tapis pendant des années en plus. Et je me suis rendu compte que le job sert à nourrir son rêve quand on l'a, en fait. Il faut le trouver. Le CDI, l'emploi, c'est une chose, mais je pense qu'il faut avant tout trouver ce qu'on aime faire dans la vie. Et je pense que ce que certains peuvent qualifier d'assistanat, justement, c'est une aide à chercher. Le temps est important à ce moment-là parce qu'on va s'engager sur des grandes périodes. Donc oui, je suis pour ces faveurs-là. Après, par rapport à la loi, tout ça, malheureusement, j'ai pas tous les détails techniques où ça en est clairement. Mais j'avais la chance, j'avais un truc, c'est que je me suis rendu compte que quand je nettoyais des chiottes, mais que ça me permettait de payer mon cours de théâtre, ouais. Ça avait une valeur en fait pour moi. C'était ça qui était important, ça me permet d'entretenir ça. Le fait de trouver un travail pour trouver un travail, je pense que on devrait justement accompagner les gens à trouver vraiment ce qu'ils aiment faire. Alors c'est une petite partie du plan qui est proposé, de par exemple prolonger les bourses par exemple pendant 4 mois pour essayer de trouver une nouvelle embauche, donc c'est un plan une première embauche. Vous, ça aurait pu vous aider parce que j'ai lu que vous y disiez, dans notre société à 18 ans, on nous répète qu'il faut faire des choix, ouais. Et donc à 18 ans, on doit choisir notre place, et vous auriez préféré qu'on attende, enfin que vous puissiez avoir le luxe d'attendre le déclic et de savoir ce que vous aimiez mais faire. Mais il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit de rechercher. On est dans un pays qui de rechercher. L'assurance chômage, c'est quelque chose qui permet de rechercher, de pouvoir rebondir derrière. Ce sont pas des moments de faiblesse, ce sont des moments de recherche hyper intenses pour la suite. La recherche est formatrice, faut le dire. À fond, on voit le... complètement. Moi, à 18 ans, je ne savais pas ce que je faisais, même à 20 ans, mais à 24 ans, j'avais fait une maîtrise de droit. Et je ne savais, et c'est là que j'ai eu un déclic, me dire, ah, je vais faire du théâtre. Mais avant, je ne savais même pas. Je savais vraiment, à 20 ans. C'est un peu votre personnage de bref, ce gars qui sait pas trop quoi faire, qui travaille dans le télémarketing, qui est un peu apathique, malgré tout, un trentenaire apathique, qui, pour le coup, on n'imagine pas ce personnage aller participer à cette nuit debout. C'est aussi une partie de la génération qui reste chez elle aussi et qui se manifeste pas. Moi, j'ai vu des gens, beaucoup se manifester grâce à Internet. Et Internet, c'est aussi c'est une vraie puissance aujourd'hui. Je pense que c'est un outil hyper démocratique. Est-ce que moi, j'aurais manifesté à la nuit debout? C'était la question générationnelle. Ça fait partie d'un tout, en fait. Soutenir, retweeter, c'est toujours faire partir d'une information. Et quand on veut obtenir un gain à sa cause, le fait de faire circuler une information, c'est la clé. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec Periscope, qui est un outil que vous connaissez bien, je pense, Kian Kojandi, qu'on peut voir à l'Européen jusqu'au 28 mai dans Pulsion, le nouveau stand-up. Et Mélanie Bauer, Pulsion musicale. Absolument. C'est difficile, cher Kian, de faire une chronique musique ici. On est tous des trucs. C'est-à-dire, oui, alors vous avez l'oreille absolue, peut-être vous allez me comprendre. Là, ici, c'est plutôt la Belgique, Tintin, l'oreille cassée. Je vois, un petit peu Alors, je me lance, comme vous êtes plutôt hip-hop, je vais vous parler de rock. Ouais. Comme ça, c'est fait. Du rock bien français, tendance psychédélique. C'est une tradition chez nous, on est très fort dans le genre. Par exemple, devinez quelle star chante ce titre anticapitaliste en 1975. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Alain Juppé. Est-ce que c'est un voyageur? Oui. Oh là là, vous faites semblant que vous savez. Non, mais c'est que j'ai mis longtemps à retrouver. Parce que je me suis dit, il va tomber. Mais il est une voix jeune, là. C'est donc Bernard Lavilliers. Un chef-d'œuvre. Je vous invite à écouter ce morceau, Les aventures extraordinaires d'un billet de banque. C'est sur l'album Le Stéphanois. Alors, je pourrais donc vous faire un cours sur la chanson psyché française, mais je préfère utiliser mes 3 minutes réglementaires pour vous présenter une nouveauté de Liminianas. Alors moi, ils m'ont accroché il y a quelques années avec ce titre. T'as quel âge? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux un cachou? Non merci, je ne suis pas très drôle. J'adore. Tu veux un cachou? À l'époque, comme le disait J.D. Beauvalet, dans les Arocs, ils étaient un véritable objet de culte aux États-Unis. La réalité, c'est qu'ils n'avaient pas de maison de disque chez nous. Ils étaient signés que là-bas. Mais bon, imaginez, un groupe du sud de la France qui fascine les Américains. La classe. Ah oui. Bon, alors, on est quand même dans une tranche très, très arty de l'Amérique. La tranche qui connaît Pascal Comelade. C'est un petit peu... C'est qui? Voilà. Exactement. Hein. Imaginez ça chez les Américains. C'est une tranchette. C'est une toute petite tranche. Et puis, l'été dernier, surprise, les Liminianas passent sur France Inter avec un titre sexy. Diamant, tu dois me tenir. Touche-moi, tu dois me toucher. Embrasse-moi, tu dois m'embrasser. Alors ça y est, buzz. La France entière attend maintenant le nouvel album de The Liminianas avec un titre écrit en rouge sur la pochette, Mal à mort, comme dans les Pulp Magazine qui ont été récupérés après par Quentin Tarantino, vous voyez dans Pulp Fiction. Dans la presse, on s'excite, ils sont de Toulouse, de Perpignan, ils sont catalans, ils sont occitans, ils sont aussi américains et même anglais de Manchester. Ils sortent avec la star de la New Wave, Peter Hook de Joy Division et New Order, un nouveau single, Garden of Love. Oui. Il y a quelle influence, Mélanie Bauer, là? Ah bah, je pense par exemple pour Guillaume Meurice qui a arrêté d'acheter des disques en 1989. Il n'y a pas du Gainsbourg. Il y a effectivement du Gainsbourg, du Joy Division. Ça vient de sortir, c'est quelque chose qui sort, ça? Oui, oui. C'est génial, la batterie et la basse sont super bien mixées comme à l'ancienne et tout. C'est Peter Hook de New Order. C'est génial. Voilà. L'oreille absolue est très fine, quelque chose dit. Donc la réalité, c'est donc les Liminianas, Marie et Lionel. C'est un groupe France international. depuis 2009, ils tournent en Europe et aux États-Unis. États-Unis. Il mélange les influences du cinéma américain, le chic gainsbourgien. Ils sortent cette semaine donc leur 5e album. Il est temps de les découvrir. Ils sont aussi un couple dans la fleur de l'âge qui va au Prisonique et qui le chante en musique. C'est Mignanas, Prisonique sur l'album Malamor. Merci Mélanie Bauer. On est en compagnie de Ken Kojandi jusqu'à 18h. À suivre Guillaume Meurice et là les Mignanas. Absolument. Ou pas. Si, on en veut. On les veut. Je t'ai croisé chez Prisonique. Parmi les tomates atomiques. T'étais sapé genre l'as de pique. Mais tu m'as fait forte impression. Comme en ex-Union soviétique. J'étais d'humeur neurasthénique. Quand près des saumons de la Baltique, tu m'as regardé les yeux ronds. J'ai profité de l'occasion pour te faire la conversation. Devant mes propos platoniques, tu es resté sans réaction. Avec un air énigmatique, tu as pris le chemin de l'exit. Ce corps à corps télépathique a tourné à ma confusion. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. De Liminianas et ses prises uniques. Merci Mélanie Bauer, découverte qui ravit Ken Kojandi. C'est vraiment, j'étais hyper séduit par la ligne de basse. Très très chouette, merci Mélanie. Et puis c'est sur la playlist France Inter et programmation musicale Djoubaka. Là c'était Mélanie Bauer, mais vous êtes sur la même ligne France Inter à 17h37. Autour de la table, Alex. Eh bien une autre ligne qui n'y connaît rien à la musique, c'est Guillaume Meurice et Samir Bouadi. Et on commence par Guillaume Meurice, c'est à vous. Oui, moi je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour nos collègues israéliens, les chroniqueurs humoristes laïcs et pacifistes de ce pays qui doivent se sentir un peu comme un bol de quinoa au salon du steak tartare, pris dans le piège du fameux conflit israélo-palestinien, un conflit qui touche des enfants, mais pour une fois, ces enfants touchés ne le sont pas par des prêtres catholiques. Ça c'est bien, ça change un peu. Non, ce sont plutôt deux autres monothéismes, ceux qui n'aiment ni le jambon ni les prépuces, qui servent de prétexte à une guerre de territoire. Pour en parler, je me suis rendu à une exposition qui s'appelle Open a Door to Israel, organisée par le ministère des Affaires étrangères israélien. Et j'y ai rencontré beaucoup de soutien au gouvernement actuel d'Israël. Un gouvernement d'extrême droite décomplexé, je dirais, comme on les aime. Autant vous dire que pour la paix, c'est pas gagné. On commence avec un premier soutien du Premier ministre Netanyahou. On peut pas vivre avec des Arabes. Je viens d'Afrique du Nord, je peux vous dire que c'est impossible. Mais pourquoi ? Ils considèrent, eux, que le Coran, c'est l'aboutissement de toutes les religions. Partout vous parlez des musulmans. Mais oui, les musulmans. Vous avez dit les Arabes. Chrétiens, il n'y en a quasiment plus. Donc, il y a des Arabes juifs ? Non. Ah bon ? Ça n'existe pas. Non, ah. Ça n'existe pas. Des Arabes. Moi, j'en connais. Pas. Non, c'est pas possible. Ah, ils m'ont menti, peut-être. Non, ça n'existe pas. Des Arabes juifs, ça peut pas exister. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a des Allemands juifs. Voilà ! Vous le sentez, voilà. Le point Godwin qui arrive, hein ? Vous le sentez, le mec qui ferait passer Robert Ménard pour le Mahatma Gandhi. Alors, comme il était chaud, on a parlé colonisation occidentale, en Afrique du Nord et au Proche-Orient notamment, et surtout des bienfaits de cette colonisation. Est-ce qu'on a colonisé parce qu'on était sympa ? Non, on n'a pas été parce que c'était serveur, parce que c'était dans l'air du temps de coloniser. C'était à la mode. Comme les Américains ont colonisé les Indiens. Comme les Russes ont colonisé les Cosaques. Comme tout le monde a colonisé tout le monde. Parce que c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps, tout simplement. Mais évidemment ! Absolument pas pour piller des richesses ou pour des intérêts stratégiques. Mais non, c'était la mode. Il faut savoir qu'avant les pins et les iPhones, la mode, c'était de coloniser des territoires. Une mode qui continue en ce moment en Cisjordanie, puisque le gouvernement de Netanyahou a ordonné de nouvelles annexions illégales pas plus tard que le mois dernier, toujours avec l'aval de ses soutiens. C'est un terrain qui était avant en Israël. Et la Palestine, vous avez connu quelque chose des Palestines avant ? Avant des 48, c'était qui la Palestine ? C'était les Anglais ? Non. Et si, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, très exactement. Et oui, Netanyahou n'a rien inventé. Hein. Il y a eu des colons bien avant lui, évidemment. D'ailleurs, colon, ça porte bien son nom. Hein. Tout comme dans notre organisme, un colon, il a la particularité de bien faire chier. La différence, c'est qu'en termes d'anatomie, ça soulage. Mais en termes de géopolitique, ça emmerde surtout les populations locales. Et pour justifier ça, les pro-Netanyahou s'en réfèrent à un livre. Dans la Bible, il y a des preuves historiquement bibliques que ces territoires appartenaient aux juifs, les premiers juifs qui sont restés, c'est eux. Mais on est sûr que la Bible dit vrai ou pas ? Alors moi j'y crois à la Bible, hein. J'y crois parce qu'il se trouve que je suis bien sûr de confession juive et pratiquant. Mais est-ce qu'on peut s'en servir comme cadastre ? Bah pourquoi pas ? Ça vient du créateur. Ah bah oui, je suis con moi aussi, si ça vient du créateur directement. Alors le petit problème c'est qu'il faut s'entendre sur qui est le créateur, ça c'est assez perso. Parce que moi par exemple, j'ai un livre qui a fondé ma croyance, et j'ai voulu en parler donc toujours avec ce même soutien du gouvernement israélien actuel. Oui, mais est-ce que ce livre est d'origine divine ? J'en connais pas d'autres. Alors bien sûr que... J'ai lu Oui, oui et la géopolitique, et dans Oui, oui et la géopolitique, c'est marqué que vous n'aviez pas le droit de construire là. Oui, mais alors là, c'est... C'est mon livre sacré à moi. Alors ce sont des appréciations humaines, mais si à l'origine vous avez une force supérieure qu'on appelle Dieu, qu'on appelle comme vous voulez... Non, mais moi c'est le Dieu de Oui, oui qu'il a écrit. Oui, mais le Dieu de Oui, oui, il est où le... Ouais, alors, je veux dire, il est où, c'est un peu facile. Je sais pas, le monde, il a une origine, il y a un créateur, il y a... Bon, pour vous, c'est... Oui, oui, c'est le prophète de Dieu pour moi. Oui, mais... Mais est-ce que vous arrivez à prouver que ces territoires appartenaient à eux, à l'origine? Oui, c'est marqué dans Oui, oui et la géopolitique. Ouais, mais, oui, mais la Oui, oui géopolitique, c'est des humains. Un humain. Non, ça a été dicté par Dieu. C'est un texte qui a été dicté par Dieu. Ah bon? Ah, et voilà. Et je crois que tout l'espoir de l'humanité repose dans ce « ah bon ». Dans ce doute qu'on aimerait voir poindre dans la cervelle de tous les religieux intégristes du monde entier. Alors ne lâchez rien, camarades humoristes, laïcs et pacifistes israéliens. Et pour tout ce que vous faites pour la paix dans cette ambiance de guerre, Mazel Tov. Merci Guillaume Meurice. On oublie trop souvent ce que fait Oui Oui pour le monde et la paix dans le monde. C'est la base, c'est la base. Guillaume Meurice, vous serez samedi à Chambéry avec Alex Vizorek et Frédéric Fromet. Effectivement. Voilà, ne donnez pas le nom de la salle parce que le Mossad s'intéresse au cas Meurice depuis 5 minutes. Très bien, si vous voulez pas dire... On est à Chambéry en tout cas. Espace André Malraux. Ah, heureusement, heureusement que Meurice a l'adresse, sinon c'était pas gagné. Entre ici Jean Moulin. Et Kian Kojandi, vous pouvez le voir à l'Européen jusqu'au 28 mai pour Pulsion et puis il ira dans toute la France à partir du mois d'octobre et vous pourrez voir ça sur son site internet. On va aborder le deuxième sujet avec vous, Kian Kojandi. À partir d'un smartphone, chacun peut donner priorité au direct. Avec Periscope, on peut filmer et diffuser en live un événement ou soi-même. Mm-hmm. Hein, le footballeur Serge Aurier en sait quelque chose qui traîne son entraîneur de fiottes. Periscope va bouffer la télé toute crue. Chacun peut créer sa propre chaîne. Alors l'étape d'avant, rappelez-vous, c'était quand chacun pouvait créer déjà sa propre vidéo. Si c'est pour un voyage, vaut mieux prendre un compact. Si c'est pour un usage plus classique, fiançailles, mariage, naissance, vous pouvez en prendre un peu plus lourd mais qui est moins cher. Ceci dit, si vous partez en voyage avec votre famille pour un mariage, alors les deux fonctionnent. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous voulez filmer ? Des trucs, des choses. Ok, j'ai compris. Ben dans ce cas, il vous faut un surcroît de matériel. De l'éclairage et un pied. Ainsi qu'un micro sur tige. Si les trucs vous concernent, il vaut mieux avoir une télécommande. Et si vous êtes plusieurs, un grand angle. Vous serez plusieurs ? Ben, peut-être il y aura des vieux. C'est Bernie, le film d'Albert Dupontel. Alors, Périscope, voilà un nouvel outil qu'on voit beaucoup, notamment dans La Nuit Debout, pour suivre en direct les débats toute la nuit. On peut aussi les commenter, c'est-à-dire que vous regardez Périscope, vous avez le flux en direct, et puis il y a des tas de petits messages qui sautent comme ça, c'est les gens qui commentent en direct, c'est tout ça l'intérêt aussi. Vous, Ken Kojandi, qui êtes branché, vous avez mesuré assez tôt le potentiel de Périscope qui peut chambouler nos habitudes, notre consommation de l'audiovisuel, notamment par les réseaux sociaux. Bah, ça crée des flux parallèles à ce qui existe déjà. Donc forcément, dès que quelqu'un a une idée à transmettre et qu'il a déjà, on n'a pas besoin de passer par les réseaux existants, on peut le faire directement aux gens qui vous suivent directement. Donc, c'est à chaud ça. C'est-à-dire, là par exemple, si j'ai envie de prendre mon smartphone et de vous filmer, c'est une forme de pulsion, tiens, comme dans votre spectacle. C'est bête parce que si vous allez sur franceinter.fr, il est déjà. Je suis déjà là. Il y a des meilleurs cadres. Quel a été votre premier contact avec Periscope? Comment vous avez découvert vous, quand je faisais ma série, on parlait de Twitter et de Facebook et Twitter, donc on est entré en contact avec Twitter. Twitter nous a dit bon, on teste une nouvelle appli, est-ce que vous voulez la tester? C'était Periscope et il me l'avait envoyé. Du coup, je suis tombé assez vite sous le charme. Je faisais pas mal de petits concerts avec mes potes, tous mes potes qui ont un peu de talent et tout, qui font de la musique. Je me suis dit, je vais partager ça aux gens. Dès qu'ils ont un petit concert, je fais. Et j'avais même fait une petite chanson avec M sur Periscope à l'époque. Ah, la classe. Alors, moi, je suis pas très doué. Donc, si on vous suit en direct, on le voit ce concert. Mais en fait, si on arrive 2 heures après et que c'est fini, Il reste 24 heures en ligne. Ok. Il y a un côté. Pour rattraper. Ouais. D'accord. Alors, chaque citoyen peut, en fait, un peu concurrencer les chaînes d'infos. Je pense à ceux qui sont à La Nuit Debout. S'ils filment sur Periscope, ils ont le rang. Ils se mettent pas en scène et du coup est-ce que ça peut ringardiser un peu le côté duplex cul serré on a toujours besoin d'un journaliste qui vérifie son information et sa source quand même, bien d'entendre ça, c'est important. Ça va, Jean-Pierre Pernaut peut être il y a l'inverse aussi. Moi je sais que pendant le début de Nuit Debout j'étais à l'étranger et notre premier réflexe a été d'aller sur Periscope parce qu'on avait envie de voir des vrais gens. On n'avait pas envie d'avoir un journaliste qui nous disait attention sur la place de la République, et on avait envie d'avoir quelque chose de vivant, d'humain, et Periscope, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Et puis, ça permet parfois de vérifier les choses, parce que quand la télé en continu vous donne une info par bandeau, puis que vous allez voir sur Periscope, alors évidemment, il faut s'assurer de la source de Periscope, mais ça peut donner une vision en direct, de façon crue. Si par exemple, j'ai pas Canal+, et qu'il y a un match de foot, et que je filme, enfin, que quelqu'un filme son Canal+, avec son Periscope, je peux le voir, alors du coup. Ouais, d'ailleurs, je crois que ça soumet des nouveaux problèmes. La technologie, mais ça donnera au cinéma ou des films. Oui, le cinéma. Bien sûr. Le gangster. Ça donnera du boulot aux juristes. Et tiens, sur Facebook Live, qui est un concurrent, parce qu'il y a aussi Google qui développe ça, évidemment, c'est la nouvelle manne. Facebook Live, là où ils ont fait un carton, c'était avec l'éclatement d'une pastèque avec 700 élastiques qui a attiré l'attention de 800 000 spectateurs pendant 45 minutes. C'est aussi l'autre version. Internet et sa magie. Internet. Et oui, voilà. Donc il y a de tout. Il y a le côté citoyen et le côté crédule. Couillon. Oh, c'est pas une bonne transition pour vous, ça, Samuel. Mais je vous en prie, très bien. Maintenant, on va reparler un peu de couillonnade. De couillonnade. Ben voilà, tout à fait. On va parler un peu de Periscope. On va en reparler un petit peu. En fait, je sais que ça vous aurait fait plaisir, hein, Charline et Mélanie, que je parle de tactique footballistique pure, de 4-4-2 en losange, de défense en zone, de maîtrise du milieu. Mais là, l'enjeu est énorme. Ken Kojandi, vous êtes fait de football ou pas? J'ai beaucoup regardé Olivier Tom quand j'étais gamin. Ah, très bien. Je suis rébois de cœur. Ah, très bien. Alors, on va y aller progressivement. Tout doucement. Mais vous savez qu'on a mesuré le stade du DS animé en question, c'était des milliers de kilomètres. Ouais, c'est vrai. Alors, ce soir, donc, Paris doit à tout prix se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe, ça vous le savez. Hein. 3 échecs consécutifs, c'est lourd, c'est simple. Il va falloir réaliser un exploit ce soir à Manchester City. C'est pas compliqué, Alex, un exploit, c'est simple comme un miracle. Il suffit d'y croire, juste d'y croire très très fort. D'ailleurs, quand on voit la mine de Laurent Blanc, on sent qu'il y croit, hein, vraiment, hein, ce sourire, cette décontraction. Hein, quand on entend répondre aux questions des journalistes, on sent que l'homme est serein, posé, jamais suffisant, hein, toujours la petite blague qui va bien, il fait jamais la gueule, Lolo, c'est ça, sa force. Hein. Il entraîne derrière lui des chalands d'enthousiasme, des tonnes d'envie, ses joueurs le lui rendent bien. C'est vrai. Ah bon, c'est vrai ou c'est du second degré? Non, pas du tout. Parce que je connais pas, moi. Donc. Non, il l'adore. D'ailleurs, l'affaire Sergio, on s'en souvient très bien, on en parlait un instant. En même temps, un joueur qui imagine son coach en train de faire tendrement l'amour à Zlatan, c'est juste un joueur qui a beaucoup d'imagination. Hein. Et quelle imagination. Moi, par exemple, c'est pas l'image qui me vient tout de suite à l'esprit quand, seul allongé sur mon lit, je rêvasse et que mon esprit part à la recherche d'une image susceptible de raviver cette libido qui m'abandonne. Du coup, je fume beaucoup trop, tu l'avais dit, Guillaume. Ben, c'est pas Zlatan et Laurent que j'imagine se faisant des papouillettes. Non, non, non, non, non. Vous voulez savoir à qui je pense? Je vais vous le dire. J'imagine un ticket. Pastoret Meurice. Ah la vache. Ah la vache, ah oui, c'est la beau. Vache. Ah oui, Pastoret, le flaco et Meurice, les trois poumons, sans déconner. Aïe, aïe, aïe, ça me rend dingue. Bon, revenons à Lolo, le bout en train en question. Rendons-lui grâce d'avoir fait jouer Serge Aurier, justement, hein, oui, la semaine dernière, lors du match aller face à Manchester City. Illustration, preuve de confiance, illustration de pardon dans ce qu'il y a de plus noble. Non, pas du tout, vous n'y êtes pas. Non, non, c'est un génie psychologico tactique, Laurent Blanc. Aurier s'est troué complètement et on prend un but qui flingue le moral de tous. En agissant ainsi, Laurent Blanc nous donne une leçon de management des ressources qui pourrait être définie par, je cite, « Si tu fais ou dis des conneries, sache bien que tu ne joueras pas contre Guingamp ou Caen la semaine prochaine. Non, tu vas jouer avec les deux matchs avec les tarés de la réserve, là. Et ensuite, tu iras directement jouer un quart de finale de Ligue des Champions. Comme ça, paf, ça te fera les crampons. Mais non, mais ça va bien, oui. Tu nous feras perdre, mon vieux. Et tu culpabilisera. Et oui, là, c'est du grand art. Privilégier le vivre ensemble plutôt que des victoires pour un entraîneur, c'est du jamais vu. Quelle humanité, mais quel sens du sacrifice. Bon, on peut imaginer que les Qataris ont apprécié moyen la méthode, hein, mais d'un point de vue strictement éducatif, moi je dis chapeau, Lolo, c'est classe. Et puis, c'est une vision à long terme, une stratégie pour demain. Bon, ce soir, va falloir gagner pour de vrai, hein, c'est certain, et avec la manière en plus. Mais quand j'entends les pseudo-spécialistes dire que Paris s'est mis dans une situation délicate, ben moi je dis, vous n'y connaissez rien les gars, rien. Bien au contraire, ces deux matchs que les mêmes spécialistes avaient considérés comme faciles deviennent des matchs à suspense. Hein. Donc, et ben des matchs qu'on a envie de regarder. Et c'est grâce à qui? C'est qui a encore tout bon? C'est qui va faire vendre plein de pizzas? C'est qui va vider la place de la République et gonfler les chiffres d'affaires des bars du quartier? Et ben c'est Lolo, hein, le grand Lolo blanc, hein, qui aurait pu inspirer ce joli trait de plume d'Henri Michaud, je le cite. Si tu es un homme appelé à échouer, n'échoue pas. Toutefois, n'importe comment. Samir Bouadi. Qui ne croit pas en la victoire de Paris Saint-Germain. Pas du tout. On le sent. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une enquête des Échos sur le Paris Saint-Germain qui s'investit pour que tout le monde ait accès au football. C'est bien ça. Quand il y a l'argent du Qatar derrière, ça aide. Bah, mais bon, facile. Si ça peut aider les jeunes dans les quartiers. Il y a Victor Hugo, il y a André Breton, il y a Shakespeare aussi qui peuvent peut-être faire un petit coup de main. C'est aussi, c'est vrai. Quand on est sur le banc, on a le temps de lire. C'est vrai. Merci Samir Bouadi. On va aborder le troisième sujet avec Ken Kojandi. Ce sujet, lu dans La Croix, vous allez comprendre pourquoi. Affluence record à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. 200 000 personnes en deux semaines, plusieurs heures d'attente parfois pour voir la sainte tunique, le vêtement taché du Christ. Le maillot de Messie. Alors d'où vient cette sainte tunique? Eh bien, figurez-vous, on a trouvé la réponse, nous. Celui-là, c'est un top. Celui-là, il fait un carton en ce moment. Regardez. Il bouge pas, il se froisse pas, 60 degrés en machine. Tu donnes pas de couleur à ce produit. Elle dit pas un mot. Voilà, c'est super ça. Ça, c'est haut de gamme. Non, décidément, je suis pas convaincu. Et ça, c'est quoi? Bah, ça là? Ça, c'est pas à vendre, monsieur. Qui t'a parlé de vendre? Il est là, lui. Montre-moi déjà. Ah non, c'est pas possible. Non, non. Écoutez, on a une très belle flanelle si vous voulez. Moi, je peux pas. Il y a pas de flanelle. C'est celui-là que je veux. Je veux ce tissu et rien d'autre. Ouais. Si vous voulez, monsieur Benchemoul, ce que je vous propose... Il n'y a pas de monsieur Benchemoul qui tienne. Je partirai pas sans tissu, tu m'entends? La vérité, si je mens. À Ken Kojandi, vous refaisiez la scène. Non, mais il y a une réplique forte. C'est quoi? Vous avez eu de la cave, mon frère, sans m'en parler? Ça m'a marqué quand j'étais avec mon frère, quand j'étais gamin. Là, en revanche, ils ont donné leur chance au produit avec la sainte tunique, apparemment. Oui. C'est clair. Alors, j'allais tout simplement commencer par vous demander quel est votre rapport à la religion, vous, Ken Kojandi? Est-ce que vous avez une religion? Est-ce que vous regardez ça de façon un peu curieuse, intéressée? J'ai grandi dans une culture où ma grand-mère, qui venait d'Iran, faisait la prière 5 fois par jour. Parce qu'elle était musulmane. Mon autre grand-mère était catholique. Elle allait à la messe tous les dimanches. J'ai grandi dans une sorte de tu feras ce que tu veux, tu crois à ce que tu veux. J'ai grandi avec les valeurs de la religion, qui sont des valeurs de l'intime, en fait. Ça considère l'intime. Ma tante, encore, quand elle vient en France, on est en train de manger, et puis elle se lève, elle va dans une bus à côté, elle fait sa prière, elle revient, on continue de discuter, ça s'arrête à ça, en fait. Ce qu'on peut parler de l'islam en ce moment, c'est une question d'intimité, c'est une question de... Je pense que si ça peut aider les gens, bah, tant mieux. Donc vous êtes en observateur. Oui, comme, oui, bah ouais, puis j'ai, comme dans tout ce que vous faites, il y a de l'observation fine. Pour autant, c'est pas forcément c'est pas un sujet qui se retrouve dans votre spectacle, dans Pulsion, la religion. Vous voulez fédérer ou c'est un sujet justement comme ça relève de l'intime, vous le dites, vous avez pas envie peut-être de l'aborder? Non, mais j'ai pas encore ressenti le besoin d'en parler. J'essaie de parler de choses qui me sont arrivées, de choses un peu douloureuses, donc j'essaie d'en rire justement, de trouver un matériau. Et je pense que quand on peut souvent changer les choses à l'extérieur quand on a rangé l'intérieur. Mon père me disait balaye devant la porte avant de balayer devant la porte des autres. J'essaie de balayer devant ma porte d'abord. Et je suis vraiment sûr que quand on est rangé à l'extérieur ça se range automatiquement. Et ça peut éviter plein de conflits derrière, plein de choses qui sont reloues. Donc on peut vous voir balayer à l'européen, c'est bien. Je balaye devant la porte à l'européen, qui est ma porte. Alors plus précisément sur le sujet, il y a donc eu jusqu'à 20 000 personnes par jour. Et dans la Croix, il y a notamment une ingénieure, donc c'est hautement scientifique quand même comme boulot, qui y croit, voilà, c'est la tunique du Christ et ça la conforte dans sa foi. Quand vous voyez ces gens qui aujourd'hui encore attendent des heures devant la basilique pour voir la prétendue tunique tachée du Christ, alors qu'elle a peut-être partout dans le monde, je ne sais pas. Il y en a qui achètent la bague de Jeanne d'Arc. Oui, oui, oui. Ce genre de choses, ça vous amuse, ça déclenche une réflexion. Moi, je n'irais pas personnellement, mais si les gens, ça leur donne un sens. Alors, enfin, encore une fois, c'est chacun à son rapport. Enfin, si ça leur trouve un sens à la vie. En l'occurrence, le sens de la file d'attente, pour le coup, parce que c'est vraiment nombreux. Mais je trouve que c'est important. Si chacun fait ce qu'il veut, et puis on est dans cette France qui permet ça. Donc, est-ce que ça vous choque qu'on se moque des religions, qu'on se moque de ces gens-là? Non. Et le sens critique dans tout ça, quand on se retrouve comme ça à faire la file des heures, et puis on vous dit ça, c'est la tunique du Christ, point. Le développement du sens critique, c'est quelque chose qui vous titille, j'imagine aussi. Bah, c'est-à-dire de faire la démarche, de se poser les questions, est-ce qu'on n'est pas en train de me prendre pour un con? Oui, mais là, on est carrément dans le symbolisme. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et c'est la preuve que même encore aujourd'hui, les symboliques sont très forts. Donc, je pense que c'est ça qu'on vient voir. Oui, oui. Et de concrétiser sa foi, en quelque sorte. Mais cette foi-là, on la retrouve dans tous les domaines. On peut la retrouver dans le sport, on peut la retrouver dans toutes les activités, en fait. C'est quelque chose que chacun gère comme. L'homéopathie. L'homéopathie. Eh bien, nous récupérerons la nôtre, Jeanne. Et les forums de perte de cheveux aussi, parce que c'est important aussi d'avoir des réponses. Élargissement du pénis sur Internet. Pas la nôtre Jeanne d'Arc, voilà. Donc, article à lire dans La Croix aujourd'hui. Alex, vous avez une proposition à faire à notre invité, comme chaque jour, bien sûr. Tous les jours, l'auditeur le sait, on propose un sketch à l'invité. Alors, je vous ai mis dans la position d'un jeune trentenaire bloqué avec ses camarades dans son appartement, en train de manger des pizzas et de se dire est-ce qu'on a fait cette révolution ou pas. Aujourd'hui produit bloqué. Voilà, exactement. Il écrit aussi. Et on en a une qui a vraiment envie de la faire, la révolution, et les trois autres, on en a un peu rien à fiche. Ok. C'est chaud, hein. Dis, si Batman, Superman et Spider-Man jouent à cap ou pas cap, tu crois que Spider-Man perd parce qu'il a pas de cap? Pouah, peut-être, je sais pas. Moi, je me disais, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais qu'est-ce qui a été volé le premier, le bœuf ou la poule? Wouah, chez App. Hey, salut les mecs, vous avez des choses de prévues, là? Moi, j'aimerais bien aller dans l'espace. Mais non, mais ce soir, je veux dire. Ah, ce soir, ça va être chaud organisé dans l'espace. L'espace, c'est cool parce que quand tu te blesses, c'est toujours sans gravité. Non, mais faut venir avec moi là, à Place de la République, allez. Oh, comment c'est loin, Répu. On veut pas se geler les couilles dans le froid comme des manchons. Les manchots, c'est les pingouins sans bras. Ah bon? Il y a quoi à République? Ça fait 25 ans que je me trompe. C'est ça que tu veux me dire? Plus que ça. Il y a quoi à République? Mais il y a la nuit debout, enfin. Ah, c'est une soirée stand-up. Mais non, c'est un mouvement citoyen, bande de limaces. En fait, une limace qui pleure, ses larmes sont salées. Alors elle devrait fondre. Ouais, ça la fait pleurer encore plus. Non mais arrêtez avec votre trip là. Vous avez pas envie de révolution là? Si, entre autres. Ouais, doucement. On n'est pas tellement nuit debout. Non. On est plus trip journée vautrée. La nuit debout, Macron en marche. Après, quelqu'un va lancer un mouvement, les courbatures. Hein, c'est sûr, tu vas voir. Ouais, puis on n'a pas envie d'être étiqueté de gauche ou de droite. C'est, c'est neutre. Enfin, c'est un moyen d'expression pour tous les jeunes. C'est mieux que l'abstention, quoi. Ouais, bah si tous les abstentionnistes créent un mouvement, va falloir élargir la place de la République. Tu feras moins le malin quand on aura changé le monde. Hein. Ben moi, je m'en fous, j'y vais. Voilà. Change pas trop le monde, ça va nous déstabiliser. Comment j'ai faim. Bon, on va chercher un de Rome. Bah, où ça? Il y en a un juste en bas de chez moi, à la République. Bah, on est à la République? Ah ouais? Ah, bah, t'avais dit que c'était loin? Ouais, il y a 5 étages sans ascenseur. Bon, ben, si Aurel San est fatigué, vous pouvez remplacer. Mais je suis, ça fait un an qu'on a fait 120 épisodes, on vient de les finir, de les tourner, et je suis à chaque fois subjugué par ces deux personnages qui sont extrêmement touchants. Et on s'y fait vraiment de plus en plus, c'est un programme qui s'installe de plus en plus, on a de plus en plus de gens qui regardent, et je suis hyper séduit par ce duo. C'est vrai, le côté touchant, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de leur foutre un coup de pied au cul. Non, ça, c'est étonnant. Mais il y a une empathie pour ces gens-là qui est formidable. Hein. Une empathie comme on a pour Johnny, par exemple. Mais voilà. Bah oui, évidemment. Ken Kojandi, merci d'être resté avec nous. Merci pour votre gentillesse. Merci de m'avoir invité. Ben, on était ravis de vous avoir avec nous. Je rappelle qu'on peut vous voir dans votre stand-up qui s'appelle Pulsion. C'est à l'Européen jusqu'au 28 mai. Mm-hmm. Et après, vous serez en tournée dans toute la France à partir d'octobre, en région, etc. Et puis, vous êtes toujours à l'affiche d'un très joli film qui s'appelle Rosalie Bloom de Julien Rapneau. Ouais. Voilà, c'est avec Noémie Lvovsky, entre autres. Et puis, c'est en salle depuis le 23 mars. Donc, vous pouvez y aller. On a un très, très bon bouche. Et merci d'ailleurs, merci à tous les gens qui sont allés le voir, hein, parce que vraiment ils participent vraiment à ce succès sur ce film. Et le bouche à oreille, c'est aussi la radio. Merci d'être avec nous. Voilà le mot de la fin aux journalistes qui apprennent à utiliser Périscope. Voilà la caméra. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Comme ça, je puis t'opérer avec mon trou du cul par hasard? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel!